Cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Vous en êtes à l'édition du 26 juin 2008, chers amis, François Marginal au micro, aux commandes de l'émission sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, mes chers amis, bienvenue encore une fois à l'émission. Nous achevons le mois de juin. Et puis, nous allons nous diriger vers le prochain mois, le mois de juillet. Et à la fin du mois de juillet, je vais me replier vers le Québec. Alors, je vais vous retrouver en studio très bientôt, mes amis. Alors, cette semaine, écoutez, chers amis, nous avons des nouvelles très importantes et aussi quelques bonnes nouvelles. Je vais commencer avec ça en premier lieu. Et ensuite, nous allons aborder cette semaine la question de la mission canadienne en Afghanistan. Elle n'a rien à voir avec les démocraties ou le terrorisme. Vous allez comprendre pourquoi. Nous discutons de la situation en Irak, de son pétrole convoité et d'un tas d'autres nouvelles importantes à ne pas manquer pour comprendre ce qui se passe dans le monde et sur la scène de l'actualité. L'Autre Monde pour la plus importante information de la semaine et ce sans détour. Cette émission est documentée. Nous menons la guerre à la désinformation. Alors soyez au rendez-vous toutes les semaines, jeudi à 11h sur les ondes de Choc FM, chers amis. Alors voilà, avant qu'on commence avec nos nouvelles du monde, chers amis, j'aimerais m'excuser personnellement. J'étais censé vous présenter une entrevue avec Dylan Patton qui fait partie du mouvement High Power et qui ont publié des articles et des vidéos sur Internet qui montraient le danger dont l'Internet faisait face. Et puis, ce qu'on parle ici, c'est en fait de la privatisation de l'Internet par les grosses corporations pour le tourner en un genre d'outils, comme un peu comme les télé payantes. Donc, vous avez certains packages, là, vous pouvez choisir, je vais avoir tel accès, donc vous payez différents prix. Donc, finalement, le but de ça est de détruire la neutralité d'Internet qui fait que, comme les nouvelles internationales, autant d'expositions que, par exemple, Google ou les nouvelles sur Yahoo. Et puis, ça, c'est un dossier très important. Et puis, la nouvelle que j'avais publiée sur le site Les Nouvelles Internationales et le site du journalisme citoyen de Sans Papier a fait fureur cette semaine. Les gens ont vraiment compris qu'il y avait un danger par rapport à ça. Donc, on parlait de la mort de l'Internet en 2012 annoncée par certains employés de Bell Canada et de TELUS et puis de d'autres aussi agences comme Rogers. Et puis, j'ai fait une entrevue avec Dylan Patton, mais là, j'ai eu des problèmes techniques, mes chers amis. Alors, je ne vais pas être capable de vous présenter l'entrevue cette semaine. Je vais vous présenter ça la semaine prochaine, autant que possible. Alors, je m'excuse encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à entendre l'entrevue cette semaine. Alors, soyez patients. Donnez-moi une semaine de plus. Je vais travailler là-dessus. Et puis, je vais vous présenter l'entrevue parce que c'est un dossier très important. Mais en échange, cette semaine, je vais vous présenter un dossier spécial que vous allez pouvoir trouver sur la page des Nouvelles Internationales, qui est mon blog personnel, qui est en lien sur la page de l'Autre Monde. Vous allez trouver ça cette semaine, un paquet, un dossier, en fait, une panoplie d'articles sur les médias, sur la situation de l'Internet, sur la censure, sur la manipulation qu'on fait dans les médias traditionnels par rapport à l'information et les situations qui se passent, savoir comment on tourne l'information. Donc, allez consulter ça, allez commencer à vous informer sur vraiment la situation des médias dans le monde. Et puis, après ça, la semaine prochaine, je vais vous présenter cette entrevue avec Dylan Patton qui va vous informer sur le pourquoi l'Internet est menacé d'être tourné en un outil finalement pour les compagnies pour censurer et puis contrôler l'information. Alors, c'est un dossier très, très important à suivre. Et je vais vous présenter ça, comme je disais, la semaine prochaine. Désolé encore pour le délai. C'est un problème que j'ai qui est vraiment impossible à résoudre pour le moment. Alors, ne soyez pas trop déçus, chers amis. Je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine. Alors, nous commençons tout de suite. Tout d'abord, j'ai fait un sondage sur les nouvelles internationales les dernières semaines. Et je demandais aux gens qui passaient sur le site ce qu'ils pensaient à propos de Bush. Alors, la question allait comme suit. Pensez-vous que le régime Bush est responsable de crimes de guerre? Alors, j'ai eu 260 répondants. Deux n'ont répondu pas certains, deux ont répondu que non et 256 personnes ont répondu que oui. Alors, 98,5% des répondants pensent que Bush est responsable de crimes de guerre. Alors, chers amis, ça vous laisse un peu une idée de ce que les gens pensent par rapport au régime Bush. Et puis, évidemment, que vous n'êtes pas les seuls, selon la plupart des historiens américains. L'administration Bush est probablement la pire que les États-Unis aient connue de toute l'histoire. Alors, nous commençons. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde, il y en a des bonnes. Et puis, cette semaine, on a appris que l'Union européenne était pour lever les sanctions contre Cuba. Alors, ça faisait déjà quelques années qu'on avait décidé de mettre un moratoire sur ces sanctions-là, mais là, on a décidé carrément de les lever. Alors, vous avez l'ensemble de l'Union européenne qui va procéder à cette levée des sanctions-là contre Cuba. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Il ne restera que les États-Unis qui continuent de se convaincre que Cuba est une menace essentielle aux États-Unis. Hein. Donc, évidemment, Cuba risque d'envahir les États-Unis puis prendre contrôle de Washington, c'est évident. Alors, les États-Unis doivent maintenir les sanctions contre Cuba, mais ils seront les seuls sans dessein dans le monde à le faire. Alors, à un moment donné, on va espérer que ces histoires-là vont cesser. Après combien de décennies qu'il y a des sanctions à Cuba, c'est toute une histoire. Ensuite, une autre nouvelle assez intéressante à voir, ça a été publié, évidemment, ça a été relâché les nouvelles par la NASA. On a appris que la surface de la planète rouge regorge de secrets. D'après les premiers résultats de la sonde Phoenix, il s'agirait d'eau gelée évaporée. Et oui, chers amis, les scientifiques de la mission Phoenix sont désormais certains qu'il y a de la glace près de la surface du sol arctique de Mars. Grâce aux images prises par la sonde Phoenix envoyée par la NASA, les chercheurs disposent désormais de preuves suffisamment probantes. Peter Smith, le responsable scientifique de la mission, exulte. Nous avons trouvé la preuve que nous cherchions, à savoir que ce matériau brillant est bien de la glace d'eau et non pas une autre substance. Les preuves? Elles ne sont pas plus grandes qu'un dé. 8 morceaux de matériau blanc brillé ont été photographiés par le rover. Il y a 6 jours dans une tranchée que venait de creuser le robot. Selon la communauté scientifique, il s'agit bien d'eau gelée et non de sel qui s'est évaporée après avoir été exposée au soleil. Il s'agit là de la première observation de glace extraterrestre par des scientifiques avec la possibilité future d'en analyser les échantillons. La présence de glace n'est pas une nouvelle, mais c'est la première fois qu'il est possible de l'observer. Après quelques déboires, la NASA en arrive à cette conclusion. L'eau aurait donc coulé par déduction à la surface de la planète rouge. Selon les scientifiques, il est donc possible que dans un passé lointain, les régions polaires aient connu des températures plus clémentes capables d'abriter une forme de vie. Reste à savoir si les éléments organiques y sont encore présents. Alors, allez consulter les nouvelles si vous n'étiez pas au courant de ça. Évidemment, je répète à chaque émission, tous les liens dont je parle ici sont en lien sur le site Les Nouvelles Internationales qui est en connexion avec la page de l'Autre Monde sur Choc FM. Alors, comme je vous disais, cette émission est documentée. Vous pouvez aller toutes vérifier ces informations-là par vous-même et puis vous forger votre propre opinion ou juste constater la véracité de ces informations-là. Alors, nous avons une autre nouvelle ici. Il y a suffisamment de pétrole sur le marché pour l'OPEP. Et oui, nous avons le président de l'Inde, de l'Iran, qui ont déclaré la semaine dernière que le marché était plein de pétrole. Et puis, nous avons aussi le président de l'OPEP qui a déclaré telle affaire. Alors, les dirigeants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont à nouveau rejeté la demande des pays consommateurs réclamant une hausse de la production. Quant au prix de l'or noir, ils n'ont pas fini de flamber. Alors, mardi, lors d'une rencontre annuelle avec l'Union européenne, la demande d'augmenter la production de pétrole a encore une fois été rejetée par les dirigeants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP. Ces derniers ont par ailleurs estimé que les prix de l'or noir n'allaient pas baisser. L'OPEP a déjà fait ce qu'elle peut faire et les prix ne vont pas baisser, a dit le président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ministre algérien de l'énergie, Chakib Khalil. Il a néanmoins souligné que les prix du pétrole dans les mois à venir dépendraient de l'évolution du dollar au cours d'un point de presse après la fin de la réunion. Je pense que le marché attend probablement de voir comment le dollar va évoluer en juillet, comment la situation géopolitique va évoluer avec les menaces faites sur l'Iran, a-t-il dit. Nous ne voulons pas accroître la production, a pour sa part confirmé le secrétaire général de l'organisation, le Libyen Abdallah El-Badri. Il n'y a pas de pénurie, a-t-il jugé. À Bruxelles, les pays producteurs ont persisté à juger que l'offre était suffisante malgré le prix du brut qui a doublé en un an et dépassait les 137 $ mardi. Il y a plein de pétrole sur le marché, a insisté El Badri, pointant du doigt d'autres facteurs explicatifs comme la spéculation. Pour Chakib Khalil, l'origine des prix élevés du pétrole est à chercher tout d'abord dans la crise des crédits hypothécaires à risque aux États-Unis. Alors, c'est ce que je vous répète ici depuis longtemps sur l'autre monde, et puis c'est un fait. Le prix élevé du pétrole n'est pas dû à cause des pays producteurs de pétrole qui ne produisent pas assez. Il y a beaucoup plus de pétrole que ce qu'on en a besoin sur le marché. Il n'y a aucun problème avec l'offre. Une partie du problème, c'est qu'on a une dévaluation incroyable du dollar américain. Écoutez, la gang, on parle d'une dévaluation de 68 % par rapport à l'euro depuis sa création. Donc, c'est une baisse ahurissante, 68 %. Donc, évidemment que ça vient jouer dans le prix du baril de pétrole parce qu'évidemment, toutes les transactions du pétrole dans le monde sont faites avec le dollar américain en devise américaine. Donc, ça, c'est évident que ça a un effet, un impact non négligeable. Et puis, l'autre affaire, c'est que, bon, on s'en sert aussi comme une taxe cachée pour renflouer les banques qui ont perdu énormément dans la crise du subprime aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment les causes réelles. Alors, on a, comme je vous disais, le président Ahmadinejad de l'Iran et puis de celui de l'Inde qui ont déclaré la même affaire aussi. Donc, ça, c'est des nouvelles à aller voir, publiées par le New York Times et d'autres journaux aussi comme ça. Une autre nouvelle qui risque de faire friser les cheveux des mères, écoutez, Kellogg's et Lego se sont mis ensemble pour lancer une nouvelle campagne de publicité, une nouvelle campagne de marketing de leurs produits. Et puis, ce qu'on va faire, grosso modo, c'est entraîner vos enfants à s'étouffer avec des blocs Lego. Ben oui, chers amis, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte là, ce gars-là. Ben, c'est pas bien compliqué, c'est que Kellogg's a décidé de faire des céréales en forme de blocs Lego. Ben oui, chers amis, quelle idée fantastique, c'est génial. Alors, quand les enfants vont finir de manger leurs céréales Lego dans la cuisine, ils vont s'en aller dans le salon jouer avec leurs Lego, puis continuer à manger des blocs de plastique et s'étouffer avec. Eh oui! C'est absolument incroyable de voir des compagnies qui sont pas capables de penser plus loin que leur nez comme ça. Et de créer des histoires comme ça, écoutez, là, des céréales en forme de blocs Lego. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez que les jeunes enfants de bas âge vont penser? Ils ne seront pas capables de faire la différence entre les deux. Et puis, vont s'étouffer littéralement avec ces morceaux-là. Mais que cela ne tienne, ces céréales-là, dans le fond, se retrouvent chez vous seulement si vous les achetez. Alors, c'est vous qui avez le réel pouvoir. Vous pouvez appeler ces compagnies-là, leur dire que vous allez cesser d'acheter leurs produits. Tout aussi longtemps qu'ils ne se gréeront pas d'un bon cerveau, hein, et puis commencer à faire des produits qui sont d'un petit peu plus intelligents. Et puis, par le fait même, pourquoi ne pas leur demander d'enlever tout produit OGM dans leurs céréales aussi qui modifient les organes internes de vos enfants? Hein, ça serait peut-être une bonne idée de tout simplement se tourner vers des céréales organiques, biologiques. Alors, ça, ce serait peut-être un bon moment à ce moment-là de faire le move. Alors, on continue. Les journaux aux États-Unis connaissent la pire année depuis toute l'histoire des médias aux États-Unis. C'est la pire année pour les revenus publicitaires. Alors, les revenus ont chuté de 8 % l'année dernière. Cette année, ils ont chuté de 12 %. Et ensuite, c'est juste au mois de mai, on a rapporté que les compagnies avaient une baisse de 14 à 15 % de leurs revenus publicitaires. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ça menace la survie de certains journaux et la solvabilité d'autres sociétés mères. Comme par exemple, on a le San Francisco Chronicle qui perd 1 million de dollars par semaine, juste pour donner une idée. C'est évident que si ceci est en train de se passer, c'est que personne n'aime des menteurs, chers amis. Comme ça fait quelques semaines, je parle sur l'autre monde. Les grands médias sont complices et responsables des crimes de guerre de l'administration Bush au Moyen-Orient, parce qu'on nous a vendu ces mensonges-là à grande pelletée dans les pages et en pleine télévision, vous disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et puis même que le 9-1-1 avait été créé par Bin Laden et puis l'Al-Qaïda. Alors, chers amis, ces médias-là sont en train de manger une volée parce que les gens sont en train de se tourner vers Internet et sont en train de s'écrouler littéralement sous vos yeux. Alors, en tant que tel, c'est une bonne nouvelle. Je classe ça dans les bonnes nouvelles. Abat les mensonges, Simonac. On tue des millions de personnes comme ça au Moyen-Orient parce que ces gens-là pensent que c'est mieux de ne pas contredire une administration criminelle. Hein? Donc, on a intérêt à vendre les mêmes mensonges parce que ces compagnies-là sont possédées par les mêmes qui produisent des armes et puis qui profitent de la guerre. Eh bien, chers amis, laissez-les tomber et que ça fasse un grand bruit de fracas quand ça frappe le plancher. All right? Alors, c'est excellent comme ça. Ensuite, on a d'autres nouvelles. On a le Pentagone et les États-Unis qui ont été obligés d'admettre cette semaine qu'ils ont perdu des parties de bombes nucléaires. Ben oui, c'est assez incroyable. On n'a pas été capable de localiser des centaines de pièces vraiment très sensibles, hein? Donc des parties qui vont constituer des bombes nucléaires qu'on a complètement égarées là-bas. Donc ça vous donne un peu une idée des mesures de sécurité là-bas. On est là en train de blâmer l'Iran et puis d'autres pays de vouloir se procurer la bombe nucléaire alors qu'ils sont même pas capables de surveiller leurs propres composantes nucléaires. Juste pour vous donner une idée, ici à Taïwan, on a reçu, ça c'était une nouvelle qui a fait la une à la grandeur de l'île ici. L'armée taïwanaise a reçu une pièce justement de bombes nucléaires par erreur comme ça dans un arrivage. Et puis, bon, les gens là-bas à l'armée ont ouvert le paquet, puis on a trouvé cette pièce bien curieuse-là. Et puis, heureusement, des personnes dans l'armée ont pu la reconnaître comme étant une pièce stratégique pour construire une bombe nucléaire et puis l'ont retournée aux États-Unis, ce qui les a vraiment gênés, évidemment. Alors, ça, c'est toute une histoire. On se demande qui a les autres pièces. Alors, chers amis, hein, ça, c'est des nouvelles assez spéciales. Alors, on continue. Le New York Times a publié une autre nouvelle par rapport au comité de surveillance aux États-Unis qui, suite à son enquête dans l'affaire du contrat de 300 millions de dollars octroyé par le Pentagone à un jeune de 22 ans de la Floride qui vient d'être arrêté et formellement accusé cette semaine, un contrat qui s'est terminé en une livraison de munitions inutilisables vieilles de 40 ans aux soldats américains en Afghanistan, a déclaré que l'ambassade américaine en Albanie, qui est située entre le Kosovo et l'Afghanistan, a approuvé un effort pour cacher l'origine illégale des munitions. La Chine. Eh oui, chers amis, j'avais déjà parlé de ça aussi sur l'autre monde, un cas incroyable, le Pentagone qui a offert un contrat de 300 millions de dollars à un jeune de 22 ans et puis un autre confrère de 25 ans. Dans une histoire sordide, on a livré des munitions, okay, aux soldats en Afghanistan qui étaient complètement finis. Et puis, on savait pas la provenance, on ne connaissait pas la provenance de ces munitions-là. Et puis là, la vérité est en train de sortir suite à l'enquête. Et puis, ça vient de la Chine, imaginez-vous donc, l'ancien bloc communiste. On a d'autres pays autour aussi, comme la Hongrie, le Turkménistan et puis d'autres pays comme ça, qui ont fourni des armes complètement finies aux soldats américains, achetées par le gouvernement américain. Imaginez-vous donc, ça c'est le gouvernement américain qui est en train de dire qu'il faut supporter les troupes là-bas, mais qui leur livre des munitions comme ça. Absolument incroyable. Une autre histoire de corruption, de fraude et de crime. Ce sont les produits des guerres douteuses de Bush. Alors, grosse nouvelle encore publiée. Ça a été publié par The Raw Story. Une autre nouvelle à consulter sur les nouvelles internationales. Ensuite, on a l'administration Bush qui veut donner plus de pouvoir à la réserve fédérale, c'est-à-dire la Fed là-bas. Alors, on a le secrétaire du Trésor, Henry Paulson, qui dit que le gouvernement devrait bouger très rapidement pour donner plus de pouvoir à la Fed pour réguler les marchés financiers. Alors, ça, c'est assez curieux aussi, étant donné que c'est la Fed, en fait, qui a créé toute cette situation-là de dévaluation du dollar en imprimant de l'argent comme c'était de l'eau, et puis en permettant aussi des institutions financières de pouvoir faire des produits financiers complètement douteux, puis qui a créé une crise totale aux États-Unis. Alors, ces gens-là qui sont responsables de la chute et puis de la dégringolade de l'économie américaine vont se voir octroyer plus de pouvoir. Imaginez-vous donc. Ça, c'est de la façon que ça fonctionne aux États-Unis. Nouvelle qui a été publiée sur Yahoo News. Alors, on continue. On a la faculté de droit du Massachusetts à Andover qui lance une conférence le 13 et 14 septembre prochain pour planifier la poursuite en justice du président Bush et autres fonctionnaires de l'administration pour crimes de guerre. Eh oui, chers amis. Ils prennent le soin d'insister sur le fait que ce ne sera pas qu'une conférence, mais bien d'un plan d'action concret qui doit absolument être mis en route. Il n'est pas question d'envoyer le message que ces crimes seront impunis et que les futurs présidents pourront en faire autant sans être inquiétés par la loi et la Constitution des États-Unis. Alors, excellente nouvelle. On va faire en sorte que ce plan d'action-là soit mis en marche. Et puis, ça a été publié sur Information Clearinghouse. Alors, allez voir aussi. Ensuite, dans les autres nouvelles publiées par ABC News 7, à Denver, on a des exercices militaires dans le cadre de la guerre contre le terrorisme qui se poursuivent aux États-Unis. Et c'est à Denver que les citoyens ont été pris dans un festival d'hélicoptères volant à basse altitude et se posant sur le toit des édifices tels que des écoles et dans les rues et parcs avec des agents des SWAT teams. Et des Navy SEALs, ça c'est des... Écoutez, le Navy SEALs, ça c'est une des unités d'élite aux États-Unis, là, écoutez. Les SWAT teams, c'est la même affaire, c'est celles qui font les descentes, là, dangereuses dans les commerces et puis chez les particuliers, et puis quand il y a des gens qui sont en situation armée. Alors, on a débarqué avec tous ces gens-là, tout vêtus d'uniformes noirs et armés jusqu'aux dents, jetant la ville dans une ambiance de siège et de confusion. Les autorités n'ont pas jugé important d'avertir proprement tous les habitants de la ville et ont dénié toute relation avec la prochaine convention nationale des démocrates à Denver au mois d'août. Alors, ça, c'est une situation assez particulière là-bas. Se prépare-t-il pour de quoi de gros qui va arriver? On pourrait se demander si certains éléments sont en train de planifier de violentes protestations durant la convention et les mettre en scène comme justification pour verrouiller la ville ou plusieurs villes si la violence se propage et déclarer la loi martiale comme le prévoit le NSPD 51 et HSPD 20 passé par Bush qui règle ces mécanismes de loi martiale. Ça, j'en ai parlé énormément sur l'émission. J'ai une émission spéciale qui avait été faite là-dessus l'automne dernier. Donc, allez consulter les archives et puis allez vous gréer cette émission-là. C'est très important pour comprendre qu'est-ce que c'est ce NSPD 51-là, qui est en fait tout un plan d'action pour instaurer la loi martiale aux États-Unis pour renverser la Constitution. C'est absolument incroyable. Tout le cadre juridique est déjà sur place et on se pratique aux États-Unis pour la mise en place de la loi martiale. Alors, on fait ça en plein milieu dans la ville, comme ça, on terrorise les gens. Vous avez des dizaines de petits hélicoptères qui volent partout dans la ville, se posent sur les toits des gens qui débarquent. C'est absolument débile. C'est comme dans un film, là, mais je veux dire réel. Alors, j'ai même une vidéo là-dessus pour vous aller voir. Ne manquez pas ça. Allez vous rincer l'œil et puis comprendre ce qui se passe là-bas. Ensuite, chers amis, on a le cas du Canada. On a aussi des histoires ici qui se passent. Hein? Vous avez entendu parler aux États-Unis, les nouvelles... qui dit que la CIA et puis certains agents dans le gouvernement et de la DEA là-bas sont responsables du trafic de drogue aux États-Unis, de l'importation massive de cocaïne et d'héroïne au pays. Alors, on pense que ce serait juste des criminels, des réseaux du crime organisé qui font ça, mais on a même pris la CIA la main dans le sac en transportant des tonnes de cocaïne à partir de l'Amérique du Sud vers les États-Unis très récemment. Et puis ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez même des anciens policiers de la région, vous avez des gens de la DIA qui se sont fait prendre, des cas juridiques là, vraiment très bien connus. Et oui, chers amis, vous avez même la famille Clinton et Bush, et puis ça, c'est tout documenté à Mina, en Arkansas. Des dossiers, vous n'êtes pas au courant de ça, c'est complètement débile, la gang, je veux dire, c'est exactement comment ça se passe. La grande majorité, écoutez, selon les études les plus profondes, les plus approfondies là-dessus, même selon le journaliste Gary Webb qui a été assassiné à cause qu'il a écrit un livre là-dessus, qui était complètement irréfutable, que personne n'a pu contredire. La CIA est responsable de plus de 60 à 70%, c'est pas 80%, là, je dis la CIA avec le gouvernement, de l'importation de la drogue aux États-Unis. Ça, c'est assez incroyable parce que les gens qui importent cette drogue-là sont aussi impliqués dans le système des réseaux privés des prisons dont je vais parler plus la semaine prochaine. aux États-Unis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la drogue, on fait de l'argent avec ceux qui consomment de la drogue en l'important. Et puis après ça, on vous pince dans le sac et puis on vous jette dans les mêmes prisons qui appartiennent aux mêmes personnes que ceux qui importent la drogue. Donc, on fait de l'argent deux fois avec vous. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'au Canada, eh bien, ça se passe un peu comme ça aussi, ce qui est vraiment intéressant. Alors, le gouvernement a complètement dénié ça, mais on a Scott Loper, qui est un citoyen américain qui vivait au Canada, qui était un policier, puis hautement entraîné en surveillance et puis en enquête criminelle, qui a découvert en fait une organisation en Ontario, à Durham, une organisation qui est menée par la police, imaginez-vous donc, par des agents, des éléments de la police, et qui importe de la drogue au Canada. Alors, cette personne-là, Monsieur Loper, a voulu mettre à jour ce réseau d'importation de drogue-là en connexion avec la police. Et puis, ce réseau-là l'a découvert et puis ont décidé de l'arrêter, imaginez-vous donc, de le jeter en prison pendant 4 ans où il a été torturé à un point tel que ce monsieur se demandait si il était pour en sortir vivant, tout simplement, là. Alors, évidemment que écoutez, le gouvernement du Canada a complètement dénié cette histoire-là en disant que c'était une histoire complètement farfelue. Mais M. Scott Loper a eu des évidences et des photos comme quoi qu'il a bel et bien été arrêté contre tout, écoutez, là, contre tout accord de Genève et puis accord avec les États-Unis parce qu'on a refusé à cette personne-là tout droit de se défendre et puis d'être rapatrié aux États-Unis pour suivre un procès ou quoi que ce soit. Et puis, on l'a torturé au Canada même, la gang. Eh oui, chers amis, ça se passe au Canada. Alors, ça, cette histoire-là est très intéressante. Ça va être à aller voir pour vous-même, savoir comment ça se passe et puis savoir que nos chers policiers qui, hein, quand ils vous pincent avec un gramme de pot testique au Canada, on est en train de vous causer des problèmes, et alors qu'on a la police et le gouvernement qui sont impliqués dans des histoires sordides comme ça. Ça, c'est un peu comme l'histoire du génocide des pensionnats avec les Amérindiens, hein? L'image du Canada qu'on se faisait est en train de manger un solide coup. Alors, parlant du Canada, vous avez, ça c'est assez incroyable aussi, vous avez ABC News et puis certaines autres agences de médias qui sont en train de craquer la propagande au Canada, disant que vous avez des cellules du Hezbollah, ben oui, le Hezbollah libanais, qui est supporté par l'Iran, qui aurait des cellules au Canada qui seraient probablement activées pour produire des attaques terroristes sur le sol canadien. Si bol, t'as dit que cette gang-là de... Hein? C'est-à-dire, on est en train de vous épeurer encore avec la stratégie de l'attention au Canada, vous disant que vous avez des dangereux terroristes qui seraient en train de planifier des attaques terroristes au Canada, question de vous terroriser encore plus pour couper dans vos libertés, pour vous donner plus de sécurité. Alors, vous avez des experts en terrorisme par rapport au Hezbollah qui disent que finalement leur présence en Amérique du Nord est sans fondement, que cette nouvelle-là a aucun rapport, là, je veux dire, il n'y a aucune raison pour que le Hezbollah commence à faire des attaques au Canada. Donc, voyez encore les manipulations de la façon qu'on essaye de vous terroriser, de vous maintenir dans un climat de tension. Et puis, comme je vous disais, ça s'intègre aussi avec toute ce brouhaha-là, ce tapage médiatique-là de Bin Laden encore, et puis de possibilités d'attaques terroristes en Amérique du Nord ou contre des intérêts juifs sur sol canadien. Alors, chers amis, ça, c'est des nouvelles qui ont été publiées encore cette semaine et puis qui sont très intéressantes à les consulter. Ensuite, nous avons dans un autre domaine la Cour au Québec, la Cour de justice qui a tranché en faveur d'une jeune de 12 ans qui a poursuivi son père en cour. Imaginez-vous donc, ça vient de créer un précédent assez dangereux. Ça me rend un peu inconfortable de lire ça, je dis, c'est incroyable. Le père a puni sa jeune de 12 ans parce qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Et puis, il a interdit de sortir un peu plus tard dans la semaine pour un événement particulier. Et puis, la jeune de 12 ans s'est rebellée contre ça. Et puis, imaginez-vous donc, elle a traîné son père en cour. Et puis, la cour a donné raison à la jeune de 12 ans. Donc, s'est immiscée dans une histoire de famille comme ça. Et puis, a jugé que le père n'avait aucune raison de punir plus amplement sa jeune de 12 ans. Et a permis finalement à la fille de pouvoir faire sa sortie un peu plus tard dans la semaine. Imaginez-vous donc ça. On commence à avoir la cour qui s'immisce dans les histoires de famille comme ça, si ce n'est pas un précédent complètement débile. Alors, je laisse penser à ça. De toute façon, c'est une histoire qui a été publiée par la CBC encore. OK. Dans les changements climatiques, on va faire une petite tournée assez rapide de ça. Vous avez le géophysiste Phil Chapman, qui est le premier Australien à devenir un astronaute avec la NASA, qui dit que les photos faites du Soleil montrent qu'il n'y a aucune tache solaire en ce moment, alors que le Soleil est censé repartir un nouveau cycle de taches solaires. C'est quoi ça, les taches solaires? C'est en fait ce qui montre que le Soleil reprend son activité, c'est-à-dire que le Soleil suit des cycles de haute activité et de basse activité. Et puis là, en 1998, on se rappelle aussi qu'on a eu des hausses records de température parce qu'on a eu le El Niño. Et puis, on avait aussi beaucoup de taches solaires. C'était une période de haute activité solaire. Et puis là, en 2007-2008, ben, on a eu notre point du cycle où le soleil était un peu en dormance, si on veut. Mais normalement, le soleil est censé reprendre son activité, mais n'a pas repris son activité. Donc, ça fait 2 ans que le soleil n'a pas de taches solaires. Et puis, la dernière fois que ça s'est passé, ça nous ramène en 1930. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que quand le soleil ne reprend pas son cycle pendant plusieurs années, comme la dernière fois, ça a duré 50 ans, eh bien, on a eu une mini-ère glaciaire. Alors, on observe que l'année dernière, d'ailleurs, on a eu des pertes de température, une diminution de température de 0,7 degrés Celsius, qui a annulé le réchauffement des 100 dernières années. OK? Ça nous ramène environ à 1930, là, pour donner une idée. Alors, ça, c'est des nouvelles à consulter. Ça a été publié sur The Daily Galaxy. Ensuite, nous avons la Commission royale de la Norvège qui a déplacé des bateaux de la Commission là-bas en région subarctique et arctique. Et puis, on a déclaré qu'il n'y a aucune évidence que le réchauffement climatique change quoi que ce soit au climat en région subarctique et arctique là, dans la région de la Norvège. Alors, une autre nouvelle à aller voir. Une nouvelle assez surprenante aussi, on a découvert une nouvelle chaîne sous-marine de volcans, okay, assez massif, dans le coin des îles Fidji, donc dans le nord-est des îles Fidji. Une grosse chaîne de volcans qui était inconnue jusqu'en ce moment, ou peut-être parce qu'elle est simplement nouvelle. Alors ça, c'est une nouvelle assez incroyable, et puis ça pourrait peut-être expliquer justement la source du El Niño, parce qu'évidemment que ces volcans sous-marins-là sont reconnus pour réchauffer la température des océans. On s'est rendu compte que les océans s'étaient réchauffés de 3 degrés globalement les dernières décennies. Alors ça, c'est une autre affaire qui joue aussi sur la hausse des températures des océans. Dans un autre volet, vous avez vu qu'aux États-Unis, les inondations continuent de sévir, et puis ce ne sont pas de petites inondations. Vous avez vu que dans le centre des États-Unis, dans l'Iowa, on a perdu environ 5 millions d'acres de plantations de maïs et puis d'autres fermes de production de cochons, par exemple. Et puis ça vient de frapper encore plus la crise de la nourriture et aux États-Unis, parce qu'on a vu, comme la semaine dernière, que les réserves sont extrêmement basses. Alors ça va continuer de faire monter le prix de la nourriture. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et puis, c'est à se demander si il va arriver une pénurie totale de nourriture. Alors, ça, c'est à surveiller. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles qui se passent là-bas. Ensuite, on a... par rapport à la loi martiale, ça, c'est assez incroyable. Écoutez, au lieu d'aller aider les gens, justement, qui sont aux prises avec ces inondations-là, au lieu d'aller les sauver en Iowa, on a plutôt mis sur place des points de surveillance, donc des checkpoints avec des gens armés. On a aussi installé des centres de détention. Alors, on se promène aussi dans les villes et puis on pousse les gens à sortir de la ville et puis on rentre illégalement dans leur maison, donc on défonce les portes et puis on a même remarqué qu'il y avait des maisons qui avaient été volées. On endommage les propriétés privées. Et puis ça, vous avez des photos puis des articles qui ont été publiés par le Independent, journal officiel des médias traditionnels en Angleterre. Alors ça, tout ça, c'est vraiment dans les nouvelles. Allez voir, c'est absolument incroyable de voir. C'est un autre un peu comme Katrina, là, au lieu d'aller dans le fond, au lieu d'aller sauver les gens, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se pratiquer encore à envahir les gens et puis à les déplacer. On rentre dans leur maison comme s'il n'y avait plus aucun droit, comme si en fait l'État était tout puissant, comme si on vivait dans un État policier. Alors ça, c'est des nouvelles, allez voir. Et puis, dans le réchauffement climatique, on s'aperçoit que le Canada est en train de se tourner vers la fameuse taxe sur le carbone. On a M. Dion du Parti libéral qui est en train de nous proposer un super deal. On veut réduire vos impôts et puis vous imposer une taxe sur le réchauffement global, sur le réchauffement climatique. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous taxer sur le carbone alors qu'on n'a même pas mesuré de réchauffement climatique depuis 10 ans. Et oui, chers amis, on a en fait une tendance vers le refroidissement, mais c'est pas grave, on va vous taxer pour le carbone, même si le carbone augmente 800 ans en moyenne après un réchauffement climatique. Okay? Vous avez une baisse des températures depuis 10 ans, puis une hausse des taux de carbone dans l'air, donc de. Il n'y a aucun lien entre les deux, mais c'est pas grave, on va vous taxer là-dessus. Fermez votre gueule, il n'y a aucun problème. On a fait un sondage en Angleterre pour demander si les Britanniques croyaient au réchauffement climatique causé par l'homme. Et puis, on s'est rendu compte que la majorité des Britanniques, aux grandes dames des scientifiques et puis des politiciens, hein, qui clamaient l'année dernière avec un rapport des 2500 scientifiques du comité sur les changements climatiques, qui disaient qu'eux autres, ils pensaient que le réchauffement climatique était certain, 90% que c'était causé par l'homme. On a trouvé que les Britanniques ne croyaient pas en grande majorité à cette histoire-là. Ça, c'est un sondage qui a été fait par The Observer, et puis ça a été publié aussi dans The Guardian, donc des journaux là-bas en Angleterre. Et puis toute cette histoire-là, pour illustrer encore la stupidité de toute cette thèse-là de réchauffement climatique, et puis qu'il faut tout complètement arrêter ça, puis il faut amener des fausses solutions vertes. Vous avez des vidéos à voir au Congrès américain, des gens qui commencent à s'insurger contre ça, contre le ridicule total. Écoutez, on veut bannir les bulbes incandescents. J'en ai déjà parlé aussi de ça sur L'Autre Monde. Et puis vous amenez les fameux bulbes fluorescents. Alors le problème avec ces fameuses lampes fluorescentes compactes-là, qu'on appelle les LFC, sont également appelées aussi ampoules fluo compactes, consomment environ 67 à 75 % moins d'énergie que les ampoules incandescentes qu'on veut bannir. Ça, c'est bien beau. Et ça dure jusqu'à 10 fois plus longtemps. Ça aussi, c'est fantastique. C'est pour ça que j'en avais acheté moi aussi. Je trouvais ça vraiment génial. Tu sais, je me disais, hey, on va sauver l'électricité puis tout, hein. Mais le problème, c'est qu'elles sont très toxiques. Elles contiennent du mercure et des radioisotopes radioactifs. Et oui, chers amis, si vous les brisez chez vous, vous êtes obligé d'évacuer la maison, fermer le système de chauffage, attendre pendant une couple d'heures que l'air se change. Et puis ça, vous êtes censé après ça rentrer dans la maison, ne pas respirer rien. Essayer de prendre le bulbe qui s'est cassé à terre dans un sac, le mettre dans un autre sac et puis ça, après ça, le disposer dans un endroit spécial. La même affaire si votre bulbe fluorescent finit sa durée de vie. Vous ne pouvez pas jeter ça à la poubelle. Là. Allez, jetez pas ça à la poubelle. Ça contient du mercure, avec des radioisotopes radioactifs, chers amis. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller porter ça dans des centres particuliers de recyclage. Alors, vous allez me dire que ça, c'est une solution par rapport au bulbe incandescent? Complètement incroyable. Vous avez même une maison au Vermont où c'est qu'on a brisé un de ces fameux lampes compactes-là et puis on était obligé de bannir, de barricader la chambre et puis de faire venir une équipe spéciale de nettoyage pour enlever les éléments radioactifs. Et puis ça a coûté 2 000 $ à la famille. Belle solution verte, chers amis. Alors, on continue. État policier de surveillance au Canada. La semaine passée, j'avais parlé que aux États-Unis, on s'en venait avec des nouveaux scanners dans les aéroports qui étaient pour faire un portrait de votre corps en 3 dimensions et puis vous voir complètement déshabillé, complètement nu sur un écran. Alors, vous avez des jeunes sans dessin qu'on emploie comme ça dans les aéroports pour vous fouiller et puis qui vont s'amuser à voir votre fille, vos enfants et votre femme à poil à l'aéroport. Alors, ça, c'est complètement fantastique. Et puis, vous êtes censé vous sentir plus en sécurité. Alors, chers amis, on va vous amener ces beaux scanners-là dans les aéroports au Canada aussi. Ça a été publié par la CBC. Alors, on va installer ça en Colombie-Britannique en premier. Puis, si ça fonctionne, ben, checkez bien ça va se répandre un peu partout au Canada. Ensuite, si vous entendez pas mal parler de nouvelles d'extraterrestres, ne vous en faites pas, c'est que les budgets noirs aux États-Unis sont en train de plafonner à des records incroyables. Et puis, à chaque fois qu'on essaie des nouvelles technologies, des nouveaux appareils supersoniques, des technologies qu'on veut garder secrets, qui sont financées par des budgets noirs aux États-Unis, eh bien, on continue à ce moment-là de vous pelleter un paquet de fausses nouvelles d'extraterrestres qu'on voit dans le ciel. Comme ça, si vous voyez un de ces nouveaux prototypes militaires-là, bien, on peut blâmer ça sur le dos des extraterrestres, discréditer toute l'histoire et merci, bonjour. Alors, c'est une autre nouvelle à aller voir sur le blog Wired, qui est un très, très bon blog à aller consulter. Ensuite, nous avons un photographe qui a photographié plus de 189 satellites secrets qu'on n'est même pas censé connaître l'existence, OK? Ils ne sont même pas dans les livres officiels des États-Unis, alors qu'on les voit, on peut les photographier dans le ciel. Alors, ça, c'est une autre nouvelle qui a été publiée sur Wired. Et une autre nouvelle assez incroyable, ben oui, des satellites qu'on n'est même pas censé connaître l'existence qui nous surveillent, hein? Des satellites de programmes secrets. Alors, vous avez un photographe comme ça qui s'amuse à les prendre en photo, et puis évidemment que les gens n'aiment pas bien ben ça à l'intérieur du Pentagone, hein? Et puis on termine avec le Moyen-Orient, Mission canadienne et pétrole. Révélation incroyable, chers amis, hein? Vous vous demandiez pourquoi nous envoyons des soldats canadiens en Afghanistan. On a une mission supposément à faire là-bas. Ben oui, chère mission. Hein, une belle mission là-bas. Vous pensez qu'on allait défendre la démocratie, protéger les gens contre les talibans et puis aller combattre le terrorisme? Ben, erreur, chers auditeurs. Le rôle des Canadiens là-bas est en fait de défendre les compagnies d'énergie, les compagnies pétrolières. Et puis, ça a été le but depuis le début. Si vous allez voir les archives et puis les documents qui sont publiés, qui sont relâchés, des documents officiels du gouvernement, on s'est aperçu que les talibans avaient refusé un deal avec la grosse pétrolière Unocal. OK? Et ça, c'était avant le début de la guerre en Afghanistan. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on avait eu des grosses pressions des pétrolières pour forcer le gouvernement américain à déplacer l'armée américaine pour aller envahir le pays pour pouvoir faire passer cette fameuse pipeline-là. Quand Hamid Karzai, qui travaillait d'ailleurs pour Unocal, a été mis en place à la présidence de l'Afghanistan, eh bien, M. Karzai a approuvé essentiellement, très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, ce projet de pipeline-là. Et puis, là, ce qu'on apprend cette semaine, et puis que cette pipeline-là, qui va partir du Turkménistan vers l'Inde et le Pakistan, va être construite. Et puis, qui va protéger cette pipeline-là, chers amis? Les soldats canadiens qui sont en région de Kandahar. Eh oui, alors, on est en train d'envoyer nos soldats en train de mourir là-bas pour protéger des pipelines de Unocal. C'est pour ça qu'on est là-bas, la gang. Vous venez d'apprendre en plein dans le mille. Il n'y en a plus de secret. Ça a été publié par The Globe and Mail là-bas. Ça a été publié aussi par d'autres comme lewrockwell.com. Vous avez des nouvelles très intéressantes à aller voir là-dessus. Écoutez, j'ai pas le temps de tout documenter ça. Mais c'est pas plus compliqué que ça, la gang. C'est qu'on va construire une pipeline qui est dans le projet Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, qu'on appelle la TAPI, la pipeline TAPI. Qui va être construit pour diminuer le pouvoir de la Russie et puis de l'Iran dans la région. Alors, on va s'assurer que cette pipeline est protégée. Et puis, qui va avoir ce beau contrôle-là? La mission canadienne, la gang! Eh oui, alors on va là pour protéger les intérêts des compagnies pétrolières. Alors, ça, c'est absolument fantastique. Il y a des nouvelles à aller voir là-dessus. Ne manquez pas ça. C'est absolument débile. Et puis d'ailleurs, on a appris cette semaine que vous avez l'Irak qui va accueillir ExxonMobil, Shell BP et Total qui vont signer des contrats sans appel d'offres, OK, avec le régime installé à Bagdad pour exploiter le pétrole en Irak. Alors, Saddam Hussein avait kické ces gens-là en dehors du pays il y a 30 ans et puis nationalisé le pétrole en Irak. Alors, on va renverser toute cette politique-là et puis on va donner tout le pétrole irakien en propriété privée à des compagnies pétrolières. Alors, vous voyez que dans les deux pays, l'Afghanistan et l'Irak, le but principal était de mettre la main sur les réserves pétrolières dans les pays. Alors, ceci est la raison pourquoi les vétérans américains et canadiens meurent au Moyen-Orient. C'était pour protéger les ressources pétrolières. Vous avez des vidéos absolument débiles à voir là-dessus. Ne manquez pas ça. Et puis d'ailleurs, l'OTAN a demandé 6 000 troupes de plus en Afghanistan parce que là, on n'arrive pas. D'ailleurs, comme je vous avais dit, selon les manuels militaires américains, il aurait fallu 400 000 personnes là-bas, 400 000 soldats pour pouvoir maintenir le pays. Mais écoutez, là, on en a 40 000 et puis on vous en demande 6 000 de plus. Alors, chers auditeurs, si ça vous tente d'aller vous battre pour protéger les compagnies pétrolières, ben allez défendre la mission canadienne en Afghanistan. Allez-y, la gang. Ben oui, c'est bon, tabarnane. Allez vous entraîner, allez tuer des gens comme ça pour faire construire après ça des pipelines au Moyen-Orient pour enrichir des compagnies pétrolières et puis donner plus de pouvoir hein, aux États-Unis. Alors, chers amis, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, pour combattre ces méchants talibans-là qui avaient refusé le deal de la pipeline avec Unocal, eh bien, on utilise des armes complètement barbares, OK? Des armes qu'on appelle thermobariques là-bas. Et c'est quoi ces affaires-là? C'est des armes à vide, OK? C'est des armes qui, quand qui explosent, brûlent tout l'oxygène qui est autour, tellement que ce qui arrive, que vos organes internes explosent à l'intérieur de votre corps. C'est des armes complètement barbares, complètement débiles mentales. Et puis, on va utiliser ça en Afghanistan. Et puis, dans la région, le Baloukistan, qui est au nord du Pakistan, et puis qui est projeté aussi dans le projet de la pipeline. Donc, si vous demandiez pourquoi que les États-Unis déstabilisaient le Pakistan récemment, eh bien là, vous avez votre raison. OK, la gang, donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes au-dessus des ressources ou bien non sur le tracé d'une future pipeline, on va vous nettoyer de là. Ça sera pas long. Je veux dire, ce qui est important, c'est que la pipeline et puis le gaz passent. Alors, vous avez aussi, en terminant dans les nouvelles, les attaques potentielles contre l'Iran qui sont encore sur la table et puis qui sont de plus en plus imminentes. Vous avez M. Bolton qui a déclaré que Bush devrait partir les attaques contre l'Iran entre le moment où on va choisir un nouveau président et le moment où le président Bush va quitter la Maison-Blanche. Alors, on veut laisser à Obama, qu'on pense qu'il va être le prochain victorieux dans les élections de novembre, une messe totale. On va y laisser un bordel total en partant une guerre en Iran, tout de suite comme ça, pour satisfaire les intérêts des États-Unis et puis d'Israël. Israël qui est en fait en train de mener des exercices concrets pour aller détruire les installations de production d'électricité nucléaire en Iran. Donc, on s'est pratiqué concrètement cette semaine. Et puis, Israël s'est vraiment tourné vers les États-Unis pour demander concrètement aux États-Unis d'attaquer en leur nom l'Iran. Donc, si vous demandiez qui poussait toute cette histoire-là, eh bien, Israël est derrière ça, évidemment. Et puis, évidemment que les États-Unis ont des intérêts là-dessus aussi, parce que l'Iran, comme avait fait Saddam Hussein avant 2003, a cessé de vendre son gaz en dollars américains, ce qui est en train de tuer l'hégémonie du dollar américain dans le monde. Alors, vous avez le chef de la commission de l'Agence nucléaire de l'ONU, El-Baradei, qui a déclaré que si on attaquait l'Iran, qu'il quitterait son poste, qu'il n'y a aucune raison d'attaquer là-bas. Et puis, vous avez aussi le ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Lavrov, qui a déclaré qu'une attaque contre l'Iran serait très dangereuse et puis a averti tout pays qui en ferait autant. Donc, évidemment que ceux qui vont attaquer l'Iran vont se mesurer à la Russie aussi, ce qui n'est pas une nouvelle très rassurante. Voilà pour ça. Vous avez Israël qui a retenu un diplomate français pendant 17 heures dans un des points, dans un des checkpoints là-bas. Donc, la semaine dernière, c'est un diplomate américain qui en est mort d'une crise cardiaque. Là, c'est cette semaine, c'est un diplomate français. Et puis, on va déporter des Palestiniens chrétiens là-bas aussi à Jérusalem. Donc, vous avez les Juifs qui vont déporter des chrétiens. Une autre nouvelle qui a été publiée cette semaine. Et puis, nouvelle très intéressante aussi, on a de quoi qui a été découvert cette semaine, qui a été mis dans les médias de masse. On n'a pas que des Palestiniens qui lancent des roquettes Qassam sur Israël. Vous avez aussi des Israéliens qui lancent de ces fameuses roquettes Qassam-là sur la Palestine. Alors, quand vous entendez des gens qui déclarent dans les médias que les Palestiniens lancent des roquettes Qassam en Israël, eh bien, vous pouvez vous poser des questions parce que ce n'est pas que des Palestiniens qui possèdent ces roquettes-là. Et puis d'ailleurs, cette semaine, on avait eu un cessez-le-feu. Et puis là, Israël a déclaré que le cessez-le-feu ne tenait plus parce qu'on a reçu de ces fameuses roquettes-là qui supposément viennent de la Palestine. Mais le problème, c'est qu'on vérifie jamais d'où elles viennent. Ces fameuses roquettes-là, au lieu de tuer des personnes, tombent dans des jardins ou dans des places qui sont complètement inhabitées. Donc, vraiment pas dangereux. Mais même si la roquette tombe en plein milieu d'une forêt, on déclare que le cessez-le-feu ne tient plus, alors que c'est Israël qui n'avait même pas respecté le cessez-le-feu d'avance un peu plus tôt dans la semaine. La semaine passée, j'avais déclaré qu'on avait donné des caméras aussi d'une organisation des droits humains là-bas qui vient d'Israël. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est une organisation qui s'appelle B'Tselem, OK? C'est une organisation d'Israéliens qui sont concernés par la situation que les Palestiniens vivent. Donc, écoutez, quand je parle d'Israël, je parle de l'État, évidemment. Vous avez un tas d'Israéliens là-bas qui sont complètement choqués de voir leur gouvernement attaquer comme ça les Palestiniens, puis de voir l'état de guerre qui pourrait être réglé aussi facilement, qui ont donné, distribué des caméras aux fermiers palestiniens pour filmer les gens qui viennent les battre. Et on s'aperçoit que ces caméras-là sont vraiment utiles parce que ça a diminué les attaques contre les fermiers palestiniens. Alors, très bonne nouvelle. Et puis en terminant, chers amis, alors vous avez une nouvelle qui a été rapportée par le Telegraph en terminant, qui dit que l'Internet peut créer une dépendance, alors que c'est un désordre clinique et puis que vous devez aller vous faire soigner si vous êtes trop sur l'Internet. Alors, chers amis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est retourner aux journaux, hein, retourner à votre TV pour gober des centaines de mensonges par la journée. Ben, finalement, on est en train de vous effrayer avec l'Internet, mais la gang, là, regardez, là, comme c'était une maladie d'aller s'informer sur Internet. Alors, restez à l'écoute de l'autre monde. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas la semaine prochaine. Nous allons parler du Québec militaire. Nous allons parler des douanes aussi au Canada. Nous allons toucher encore à l'Irak et puis nous allons avoir notre dossier spécial sur la mort d'Internet possible en 2012 si on ne fait rien. Évidemment que si on s'en mêle, c'est pas évident que ça va passer, mais si on ne fait rien puis on ne s'informe pas, on risque de perdre la neutralité d'Internet. Alors c'est un dossier très important et puis je vais vous présenter tout un dossier là-dessus la semaine prochaine. Alors voilà, je vous salue bien bas. C'était François Marginan pour L'Autre Monde sur les ondes de Choc FM. Thank you.